بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد. On continue la traduction et les commentaires sur le livre لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد, un livre de l'imam Qudamة المقدسي رحمه الله et une explication du Cheikh Salih ibn Fawzan الفوزان حفظه الله تعالى. La semaine dernière, ou plutôt le dernier cours, on avait parlé de l'obéissance du gouverneur des musulmans, qu'il soit bon ou mauvais, tant qu'il n'ordonne pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, et que aucune obéissance n'était autorisée à une créature dans la désobéissance du créateur subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui était désigné comme gouverneur et autour desquels les gens sont réunis et pour lesquels ils sont satisfaits, ou bien celui qui a fait un coup d'état devait être considéré comme étant le gouverneur, et il est interdit de le contredire ni de se soulever contre lui. ثم ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله وقال ومن السنة هجران أهل البدع. Puis il dit رحمه الله et fait partie de la sunna de s'écarter et de s'éloigner des gens de l'innovation. قال الشيخ الفوزان قال رحمه الله ومن السنة أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي طريقته عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته, هذا هو المراد بالسنة هنا, ليس المراد بالسنة المستحب, لأن هجران أهل البدع واجب وليس بمستحب فقط, وإنما هو واجب. Donc l'imam ibn Qudamah رحمه الله a dit fait partie de la sunna, c'est-à-dire de la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire sa voie, son chemin, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ses paroles, ses actes et ses approbations. Sallallahu alayhi wa sallam, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a laissé faire, fait partie de sa sunnah. Et c'est le sens qui est voulu ici, à savoir la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il ne faut pas comprendre le terme sunnah ici comme quelque chose de surérogatoire ou comme quelque chose de préférable, car le mot sunna a deux significations. La première, qui est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le sens le plus généralement voulu, et il y a le deuxième sens qui lui est utilisé le plus souvent par les juristes, à savoir c'est une sunna, autrement dit que ce n'est pas une obligation. Que ce n'est pas une obligation. Mais le sens ici qu'a voulu dire l'imam Ibn Qudamah rahimahullah en disant fait partie de la sunna, le fait de s'éloigner des gens de l'innovation, c'est-à-dire fait partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car de s'éloigner des gens de l'innovation et des innovateurs est une obligation. Ce n'est pas simplement recommandé, c'est bien plus que cela, c'est obligatoire. والسنة في الأصل تطلق ويراد بها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم, وقد تطلق ويراد بها المستحب, ولكن الغالب أن المراد بالمعنى أو المراد بها المعنى الأول. فإن قيل من السنة كذا فمعناه أنه من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم هجر أهل البدع. الهجر معناه الترك, ومنه الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فرارا بالدين, سميت هجرة لأنها ترك للأوطان من أجل الفرار بالدين من الفتنة. قال تعالى والرجز فهجر, والرجز الأصنام, وهجر يعني أترك, أي أترك الأصنام وعبادتها وأهلها. وقال عليه الصلاة والسلام والمهاجر من هجر من ما نهى الله عنه, يعني ترك ما نهى الله عنه. فالهجرة ترك, وهجران أهل البدع يعني ترك مصاحبتهم ومجالستهم وزيارتهم والتعلم منهم إلا على طريق المناصحة والبيان، وأما على طريق المؤانسة والمحبة فإن هذا لا يجوز، لأن فيه رضا بما هم عليه من البدع وتشجيعا لهم، وفيه إقرار لهم على ما هم عليه. Donc la sunna, comme on l'a vu, lorsque elle est citée, elle veut dire le plus souvent la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle peut aussi être citée, ou le mot sunna peut être cité en voulant dire quelque chose de préférable. S'il est dit donc, ou si tu entends, fait partie de la sunna telle et telle chose, le mot sunna signifie alors la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fait partie de la sunna le fait de s'éloigner et de quitter les gens de l'innovation. Al-hajru en arabe signifie at-tark, signifie délaisser. Ainsi, al-hijra, lorsque l'on parle de la hijra, de l'émigration d'un pays non musulman vers un pays musulman pour préserver sa religion, ceci est appelé hijra, car tu délaisses ton pays pour préserver ta religion et pour te préserver des tentations. Ainsi Allah Azza wa Jalla a dit à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et les idoles fuient, وَالرُّجْزَ فَهْجُرُ, les idoles, les statues fuient, c'est-à-dire délaisse-les et ne fais pas partie de ceux qui les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Rujz, ce sont donc les statues. Wahjur, c'est-à-dire fuit, délaisse ces statues ainsi que leur adoration, ainsi que les idolateurs qui adorent celles-ci. Et le prophète sallam a dit dans un hadith, Al-Muhajiru, celui qui émigre, c'est celui qui délaisse ce qu'Allah lui a interdit. Al-Muhajiru, man hajara ma naha Allahu anhu. L'émigrant, c'est celui qui émigre, c'est-à-dire qui délaisse ce que Allah lui a interdit. Le fait donc de délaisser les gens de l'innovation, c'est-à-dire de ne pas les côtoyer, de ne pas s'asseoir avec eux, de ne pas les visiter, de ne pas apprendre d'eux, sauf pour celui qui veut les conseiller ou celui qui veut montrer la vérité. Quant à les côtoyer dans le but d'avoir de bonnes relations avec eux et dans le but de les aimer, ceci est interdit. Car en côtoyant les gens de l'innovation, eh bien, cela est quelque part une satisfaction de ta part sur l'état dans lequel ils sont. Et cela est, directement ou indirectement, un encouragement que tu leur fais et une approbation de l'état dans lequel ils sont. Lorsque tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, lorsque tu vois des personnes qui sont des innovateurs et qui font des innovations, alors éloigne-toi d'eux, car de fait d'être avec eux, c'est une sorte d'approbation. Et vous verrez des personnes vous dire, mais non, moi je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'éloigner d'eux. Qu'est-ce que nous lui disons? Nous disons, Akhi, mon frère, tu n'es pas d'accord avec eux, ok. Mais moi, le fait de te voir avec eux, eh bien, je considère que tu es d'accord avec eux. Si tu as une conviction, eh bien, cette conviction doit être traduite par des actes. Tu n'es pas d'accord avec eux, eh bien, mets en pratique ce désaccord. On ne condamne pas des personnes, puis on les côtoie, on apprend d'eux, on reste avec eux, on rigole avec eux, on va les visiter, etc., etc. C'est totalement contradictoire. Et en islam, à la base, on juge sur l'apparence. En islam, on juge sur l'apparence. Et en islam, l'apparence doit être en phase avec l'intérieur. En islam, l'apparence doit être en phase avec l'intérieur. Donc, si tu vois des personnes à qui l'on peut reprocher des choses extérieurement parlant, sache que dans la plupart des cas, on pourra lui reprocher des choses également, ou qu'il a des choses à se reprocher à l'intérieur. Car le fruit de cette contradiction extérieure, ou cette contradiction externe, n'est que le fruit d'un manquement à l'intérieur. Donc celui qui a une foi basse, celui qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, eh bien tu le verras, ou cela se verra de par son comportement et de par son aspect extérieur. ثم يقول الشيخ رحمه الله الشيخ الفوزان حفظه الله والواجب هجرهم حتى يعرف الناس شرهم ويبتعدوا عنهم لأن الغالب أن المبتدع لا يقبل النصيحة ولا يتوب إلى الله عز وجل لأنه يرى أن ما هو عليه هو الحق يزينه له الشيطان فقل أن يقبل النصيحة وقل أن يتوب ولهذا جاء في الأثر أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية لأن المبتدع لا يتوب عن بدعته. Cheikh Al-Fawzan dit, rahimahullah, ce qui est obligatoire, c'est de s'éloigner des gens de l'innovation, de s'éloigner d'eux afin que les gens connaissent leur mal. Si toi tu n'es pas d'accord avec eux et que tu t'auto-autorise de rester avec eux, ne vas-tu pas induire en erreur les autres gens qui vont te voir en compagnie de ces personnes? On se dira, de toute façon, s'il est avec eux, c'est que il est d'accord avec eux et que ils sont dans la vérité. Et vous connaissez tous le proverbe, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Il doit donc s'éloigner d'eux afin de mettre en garde les gens contre leur innovation. Car la plupart du temps, les innovateurs n'acceptent pas le conseil. Et la plupart du temps, ils ne se repentent pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Car ils considèrent qu'ils sont dans la vérité. Et celui qui considère ou qui croit qu'il est dans la vérité, est-ce qu'il va demander le pardon à Allah, ou est-ce qu'il va revoir sa copie ou repenser son chemin? Non, parce qu'il va considérer qu'il est dans la vérité. Et ceci est l'une des deux maladies qui exterminent le cœur, c'est la maladie des ambiguïtés. Les deux maladies qui sont les plus fatales pour le cœur, ce sont la première, la maladie des ambiguïtés, et la deuxième, la maladie des tentations. Marad al-shahawat ou marad al-shubuhat. Marad al-shubuhat, c'est la maladie des ambiguïtés, à savoir que tu as plein d'ambiguïtés. Tu as tellement d'avis que tu ne sais pas où est la vérité, ou que tu fais partie des gens de l'innovation et que tu justifies la voie dans laquelle tu es par de nombreux hadiths ou de nombreuses paroles qui, selon ton interprétation, justifient la voie que tu empruntes. C'est une maladie grave et son seul remède est la science. C'est grâce à la science que tu vas ôter ces ambiguïtés et que la vérité va apparaître. Et il y a bien sûr la maladie des tentations, la maladie du désir et du fait d'être poussé ou d'être attiré par les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le paradis est entouré de choses pénibles et l'enfer est entouré de tentations. Et l'enfer est entouré de tentations. Très peu donc parmi eux acceptent le conseil, et très peu se repentent pour cela qu'il est dit que l'innovation est plus aimée chez le diable que le péché, car l'innovateur ne se repent pas de son innovation. وأما العاصي فإنه يعلم أن ما فعله حرام فيكون خجلا يوبخ نفسه ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى إنه قريب من التوبة خلاف المبتدع فإنه يرى أن ما هو عليه هو الحق فلا يرجع عن بدعته ويرى أن ما هو عليه مشروع. Et ceci contrairement à celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait pertinemment que ce qu'il fait est interdit. Il sait pertinemment qu'il est dans l'erreur et ainsi il est dérangé. Il n'est pas tranquille et il se remet en cause puis se repent à Allah subhanahu wa ta'ala ou est proche du repentir. Quant à l'innovateur, il ne pense pas à cela. Pour cela que le professeur Hassan a dit dans le hadith authentique, إن الله احتجب التوبة عن صاحب البدعة حتى يدع بدعته. كالله عز وجل a mis un voile entre l'innovateur et le repentir jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation. Et c'est un hadith authentique du prophète صلى الله عليه وسلم. والبدعة هي إحداث شيء في الدين ليس منه على سبيل التقرب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Et l'innovation, quelle est la définition de l'innovation? C'est une définition importante qui, lorsque, pour celui qui la connaît et qui en connaît les détails et qui maîtrise ou qui en maîtrise le sens, eh bien, pourra se prémunir de tomber dedans. L'innovation, c'est le fait d'innover quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie dans le but de se rapprocher d'Allah. C'est le fait d'innover dans la religion des choses qui n'en font pas partie dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui maîtrise cette définition pourra répondre à plusieurs ambiguïtés. Vous nous dites bid'a, bid'a, bid'a, tout ce que vous voyez c'est bid'a, bid'a, bid'a. Et la voiture dans laquelle tu roules, c'est pas une bid'a? Très bien. C'est quoi la définition de la bid'a? Celui qui innove quelque chose dans la religion, qui n'en fait pas partie. Quand je roule en voiture, est-ce que je considère que la voiture fait partie de la religion? Non. Est-ce que j'assimile la voiture à la religion? Non. Même si je l'assimile à la religion, on va prendre l'exemple où on va admettre qu'on a assimilé la voiture à la religion. Quand je conduis, est-ce que je considère cette conduite comme une adoration? Ouais, ou quand je conduis, est-ce que je me rapproche d'Allah en conduisant? Non. Donc, ce n'est pas une innovation dans la religion. Ce qui est interdit, c'est l'innovation dans la religion. Ce n'est pas l'innovation dans les choses de cette vie d'ici-bas. Et le professeur Hassan m'a dit, dans le hadith authentique, celui qui innove une chose dans notre commandement qui n'en fait pas partie est rejeté. Et le professeur Hassan m'a dit dans une autre version, celui qui accomplit un acte dans lequel il n'y a pas notre commandement est rejeté. Donc ici, les savants ont déduit que celui qui fait une innovation, même si son intention est bonne, eh bien, elle n'est pas acceptée auprès d'Allah Azza wa Jal, car elle n'est pas en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également dans le hadith connu, accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés après moi, ou suivez ma sunna et la sunna des califes bien guidés après moi, accrochez-vous à elle. Accrochez-vous à elle et mordez-la de toutes dents et prenez garde à toute innovation, car toute innovation est égarement. Non. المصلحة المرسلة المصلحة المرسلة c'est un sujet précis dans le sujet de la bid'a dont a parlé l'imam Shatibi rahimahullah. المصالح المرسلة c'est des choses qui étaient faisables ou qui n'était pas faisable au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais que l'on fait à notre époque. Donc le maslaha al-mursala, par exemple, ce sont des choses que tu fais qui n'étaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu as le droit de les faire à condition que, comme salam, qu'elle n'ait pas été possible au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, on voit dans certaines mosquées des mosquées qui mettent des fils pour arranger les rangs, et certains disent ça c'est une maslaha mursala, c'est ce fil là il permet aux musulmans d'aligner les rangs. Est-ce que c'est quelque chose de demandé en islam ou pas? Oui, c'est obligatoire d'aligner les rangs pendant la salat. Et là, ce moyen-là, on va utiliser un moyen qui va nous permettre de mettre en pratique cet ordre. Et le moyen qu'on va prendre, c'est le fil. Est-ce que le fil est autorisé ou non? Certains vont dire oui, c'est autorisé parce que on n'invente rien, c'est uniquement pour aligner les rangs qui, à la base, est demandé en islam. Et souvent, on dit non. Il n'est pas autorisé d'utiliser les fils. Pourquoi? Parce que, est-ce que le prophète sallam avait la possibilité à son époque d'utiliser des fils? Oui. Oui ou non? Oui. Ils avaient des épées au temps du prophète sallam. À une époque où tu as des épées, tu ne peux pas avoir de fils. Tu ne peux pas avoir de cordes. Bien sûr. Donc le prophète sallam avait à son époque la possibilité d'utiliser des fils. Mais il ne l'a pas fait, donc tu n'as pas le droit de le faire. Et si tu insistes dans cela, dans ce cas, tu dis que le prophète sallam a omis de dire quelque chose ou d'apprendre quelque chose à sa communauté qui leur aurait été bénéfique. Autrement dit, tu dis que le prophète sallam n'aurait pas transmis son message comme il aurait dû le faire. Pour aligner les rangs, le prophète sallam nous a dit les chevilles contre les chevilles, les épaules contre les épaules. Le professeur sallam a insisté sur l'alignement des rangs, c'est le moyen le plus adéquat et c'est le meilleur moyen que tu puisses utiliser pour aligner les rangs des musulmans et non pas en utilisant un moyen intermédiaire que tu justifies par al-maslaha al-mursala. Et celui qui dit que ces fils font partie de al-maslaha al-mursala, il n'a pas compris la définition de al-maslaha al-mursala. Pourquoi? Car il était possible au temps du professeur sallam de le faire. Par exemple, parmi les masalih al-mursala, le micro. Est-ce qu'on a le droit d'utiliser une sonorisation dans une mosquée? Oui. Et ni le fait que les gens entendent l'imam, est-ce que c'est quelque chose de demandé? Oui. D'utiliser un micro et des haut-parleurs, est-ce autorisé? Oui. Pourquoi? Parce que ça n'existait pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc c'est la subtilité qu'il faut saisir concernant al-maslaha al-mursala. Non? Mais ça aide à l'adoration. Oui. C'est comme le fil. On adore par Allah en posant. Mais c'est en faisant le rang. Non. Pour cela que c'est un peu subtil. Et allez, la notion de maslaha mursala. طيب. ثم قال الشيخ الفوزان إن الله تعالى لا يرضى أن يتقرب إليه إلا بما شرع. لأن الدين كمل ولله الحمد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن أكمل الله به الدين، فلم يبق مجال للزيادات والاستحسانات، فمن ابتدع بدعة فقد اتهم الدين بأنه ناقص وكذب قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. Donc Allah Azzawajal n'accepte pas que l'on se rapproche de lui en innovant. Allah Azzawajal n'accepte que les adorations qu'il a légiférées, car la religion a été parachevée. Elle a été complétée, comme l'a dit Allah Azzawajal. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai terminé de vous combler et j'accepte pour vous l'islam comme religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est mort et n'a quitté ce bas monde qu'après que qu'Allah azza wa jal ait terminé et parachevé cette religion. Il n'y a donc aucune place ni à des ajouts ni à des ajustements. Celui donc qui innove dans la religion d'Allah, eh bien, il a alors accusé la religion d'imperfection et il a traité de mensonge la parole d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Car comme on l'a vu, l'innovation, c'est le fait d'innover une chose dans la religion qui n'en fait pas partie dans le but de se rapprocher d'Allah. Si tu fais une telle chose, c'est que directement ou indirectement, tu considères que la religion qu'a transmis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas complète. والبدعة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بدعة أصلية، كأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الدين، كإحداث بدعة الاحتفال بالمولود بالمولد، هذه لا أصل لها في الدين، لا مواليد الرسل ولا مواليد غيرهم من الأولياء والصالحين. وإن حسنوها ورغبوا فيها وأشاعوا بأنها خير هي بدعة وشر، هي شر وإن قالوا إنها بدعة حسنة، لأن هذا مصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فالبدع كلها ضلالة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يدعي أن هناك بدعة حسنة مكذب لله ولرسوله. ليس في الدين بدعة حسنة بل الدين ما شرعه الله جل وعلا أما البدع فإنها من أهواء الشيطان. Et la bid'a se divise en deux. Il y a deux sortes de bid'a. Il y a la première bid'a qui est ce que les savants appellent al-bid'a al-asliya, qui est la bid'a, on va dire, d'origine. C'est-à-dire, c'est le fait d'innover une adoration qui n'a aucune source dans la religion. Comme le fait d'innover l'anniversaire ou de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est appelé en arabe al-mawlid. Ceci n'a aucune source dans la religion. Ni l'anniversaire du prophète sallam, ni l'anniversaire des autres vertueux ou personnes pieuses. Même si les gens considèrent cela comme une bonne chose, même si les gens encouragent à fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même s'ils diffusent que cela est un bien et qu'ils ne veulent à travers cela que se rapprocher d'Allah, c'est une innovation et c'est un mal. Même s'ils prétendent que cela est une bonne innovation, car en islam toutes les innovations sont mauvaises. Il n'y a aucune innovation bonne en islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu muhdathatin bid'ah, toute chose nouvelle, c'est-à-dire dans la religion, est une innovation, et toute innovation est égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tout. Pourquoi tu viens dire non, ce n'est pas tout? Prophète m'a dit tout. Pourquoi tu viens me dire non, il n'y a pas tout? Toutes les innovations, toute chose nouvelle est innovation, et toute innovation est égarement. Comment une personne peut venir dire non, il y a des bonnes innovations? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc clair. ثم قال الشيخ الفوزان وإذا فتحنا المجال تغير الدين بهذه الطريقة كل يحدث ما يستحسن وكل يعمل ما يشاء ثم يقضى على السنن ولا تجتمع السنن والبدع كما جاء في الحديث ما أحدث الناس بدعة إلا رفع مثلها من السنة فيتحول الدين من السنن إلى بدع ومحدثات فلا يفتح المجال أبدا للبدع ولا يتساهل فيها أبدا. Et Cheikh Fawzan dit, parole très importante, il dit, et si nous ouvrons cette porte, c'est-à-dire la porte de l'innovation, alors la religion sera falsifiée. Et chacun innovera ce qu'il considérera comme bon. Et chacun fera ce qu'il veut. Ainsi, les gens mettront un terme au sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est bien connu que la sunnah et la bid'a ne peuvent cohabiter. Comme il est cité dans le hadith, Cheikh Fawzan a cité un hadith qui est faible, dont la chaîne de transmission est faible, mais dont le sens est vrai. À savoir, le hadith qui dit que lorsque les gens inventent ou innovent une innovation, eh bien, c'est une sunna qui est disparaît. C'est une sunna qui disparaît. C'est un hadith dont la chaîne de transmission est faible, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, mais le sens est plus que vrai. Lorsque les gens innovent, soient persuadés qu'à cause de cette innovation, eh bien, il y a une sunna qui sera délaissée. Il n'y a aucun doute à cela, et les exemples sont multiples. Il ne faut donc pas ouvrir cette porte de l'innovation. Et il ne faut pas minimiser l'impact de l'innovation. Ceux qui disent, vous n'arrêtez pas de parler de l'innovation matin, midi et soir, nous répondons, premièrement, on ne parle pas d'innovation matin, midi et soir, on donne à l'innovation l'importance qu'elle a, et on explique aux gens le danger de cette innovation, et que c'est à cause de l'innovation que les religions comme le christianisme et le judaïsme ont été totalement falsifiées, et Allah Azza wa Jal a préservé le Coran et préserve l'islam de toute modification, de toute falsification, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a promis qu'il y aura, quelles que soient les époques, il y aura toujours des personnes qui seront dans la vérité et des personnes qui ne seront pas affaiblies par les critiques des critiqueurs ou par la ruse des ruseurs, et ils répondront aux faux et montreront le vrai. Ainsi, le musulman ne doit en aucun cas minimiser la gravité de l'innovation, car l'innovation en apparence, pour celui qui n'a pas de science, elle paraît belle et elle paraît bonne, et celui qui la voit dans son aspect extérieur sans avoir de science, eh bien il va considérer que c'est un moyen efficace qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sois sûr que le diable est là pour t'embellir cette innovation, et voire même pour te faire ressentir des sensations que tu ne ressens pas lorsque tu appliques des choses, lorsque tu fais des choses qui sont en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est une des ruses du diable, et ainsi il faut le considérer comme ennemi et demander la protection d'Allah contre lui. والقسم الثاني بدعة نسبية بأن أصل الشيء مشروع لكن يخصص بزمان أو بمكان لم يشرعه الله ولا رسوله مثلا صيام بعض الأيام خاصة مثل صيام يوم النصف من شعبان أو صيام شهر رجب تخصيص رجب بالصوم أو صيام النصف من شعبان بدعة. الصيام أصله مشروع لكن إضافة تخصيص الوقت بدون دليل بأن تخصص وقتا للصوم بدون دليل أو تخصص مكان العبادة بدون دليل هذه بدعة في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. أن تخصص مكانا أو زمان العبادات الشرعية هذا لا أصل له في الدين وهو يكون بدعة إضافية لأنك أضفت إلى العبادة المشروعة شيئا من البدعة وسواء كانت البدعة أصلية أو كانت إضافية فإنها مردودة إلى صاحبها ويجب التحذير منها ومن أصحابها. Et la deuxième catégorie d'innovation, on a vu que la première était l'innovation d'origine, si on peut traduire comme ça. Et la deuxième et l'innovation additionnelle. L'innovation additionnelle, c'est-à-dire que la base existe et qu'elle est légiférée, mais que cette adoration a été spécifiée ou se fait dans un moment bien précis ou dans un endroit bien précis que n'a légiféré ni Allah ni son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de jeûner des jours bien précis, comme le jeûne du 15 de Sha'ban, ou comme le fait de jeûner le mois de Rajab entièrement. Certains font ces innovations en considérant qu'il y a des mérites et que c'est ainsi qu'il faut faire. Il n'y a aucun hadith qui vient soutenir, et Cheikh Al-Fawzan atteste clairement que le fait de spécifier le mois de Rajab en jeûnant et de jeûner le 15e jour de Sha'ban est une innovation. Le jeûne en lui-même est une adoration qui est légiférée. Mais de spécifier ce jeûne pendant un moment bien précis, sans preuve, eh bien ceci est une innovation. Et l'exemple du jeûne, bon, le jeûne est un exemple, mais tu peux élargir cela à toutes les adorations. Toutes les adorations que tu accomplis dans un endroit bien précis ou dans un moment bien précis ou en nombre bien précis, et que ni le lieu, ni l'endroit, ni le nombre, ni le moment n'a été spécifié dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou dans la religion d'Allah, eh bien cela est une innovation. Par exemple, celui qui se dit, moi, tous les jours, après salat al-maghrib, je prie trois fois de rak'at. De prier, c'est légiféré ou pas? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la religion d'Allah qui autorise à cette personne de prier trois fois de rak'at tous les jours après le maghrib? Non. Ceci est une innovation, et celui qui fait cela, s'il pense qu'il se rapproche d'Allah, qu'il arrête de se faire des illusions, plus il prie, et plus il s'éloignera d'Allah Azzawajal, premièrement, et deuxièmement, aucune de ses prières ne sera acceptée. Si dans son existence, il aura accompli 100 000 fois de raka'at, eh bien ce seront 100 000 fois de raka'at qui n'auront pas été acceptées. Et ce sont 100 000 fois de raka'at qui lui auront apporté des péchés, et pour lesquels il aura des comptes à rendre si Allah Azzawajal ne lui pardonne pas. Et s'il reste ainsi, à coup sûr, ou dans la plupart des cas, il ne se repentira pas. Pourquoi? Pas, car il va considérer, ou il croit que c'est ainsi qu'il faut faire. Donc, de spécifier une adoration dans un lieu précis, dans un moment précis, ou dans un nombre précis, et sans que cela n'ait été rapporté ni dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallam, eh bien, c'est une innovation, et il faut mettre en garde contre cette innovation et contre les innovateurs, contre ceux également qui font ces innovations. Et que ce soit l'innovation d'origine, la première partie que l'on a citée, ou la deuxième, les deux doivent être condamnés. Il ne faut pas avoir plus de souplesse sur l'innovation. Laquelle ? La deuxième. Additionnelle. En disant, mais c'est vrai que c'est pas comme l'autre, parce qu'il y a une base dans la religion. On peut être un peu plus souple ou un peu plus indulgent. La réponse est non. On doit condamner la première comme l'on condamne la deuxième. Et on doit mettre en garde contre les innovateurs qui font la première comme ceux qui font la seconde. ثم قال حفظه الله جاء أبو موسى رضي الله عنه وكان أميرا على الكوفة إلى ابن مسعود وكان هو المفتي في الكوفة والقاضي فقال يا أبا عبد الرحمن رأيت شيئا استنكرته قال وما هو قال سوف ترى فذهبا إلى المسجد فوجدا قوما مجتمعين وعندهم أكوام من الحصى وفيهم واحد يقول لهم سبحوا كذا وكذا ويعودون من الحصى هللوا كذا وكذا كبروا كذا وكذا ويكبرون ويهللون ويسبحون ويعدون بالحصى أعدادا معينة كذا وكذا فوقف عليهم ابن مسعود فقال لأنتم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنتم مبتدعون بدعة عظيمة قالوا وما ذاك يا أبا عبد الرحمن نحن نذكر الله ونريد الخير قال وكم من مريد للخير لا يدركه ثم أنكر عليهم هذا العمل التسبيح والتهليل والتكبير مطلوب لكن بدون هذه الصفة بدون هذا الاجتماع وبدون عدد محدد إلا بدليل التهليلات والتسبيحات والتكبيرات لا تحدد إلا بدليل من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأنكر عليهم رضي الله عن هذه الصفة مع أنهم يذكرون الله في المسجد لكن هذه الصفة التي أحدثوها هي البدعة لم ينكر عليهم الذكر ولكن أنكر عليهم هذه الصفات المحدثة وغلظ عليهم في ذلك وأنكر عليهم وفرقهم قال الراوي فرأيت هؤلاء أو كثير منهم يطاعنوننا في النهروان بدعتهم تحولت بهم إلى مذهب الخوارج حيث قاتلوا أهل السنة في وقعة النهروان التي كانت بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وبين الخوارج وصاروا مع الخوارج هذا مآل البدعة والعياذ بالله وكيف تذهب بصاحبها في الشيخ الفوزان حفظه الله دي كابو موسى الأشعري رضي الله عنه qui était le gouverneur à Al-Kufa. Il est venu voir Abdullah ibn Mas'ud, qui lui était le mufti et le juge à Al-Kufa. Et Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu a dit à Abdullah ibn Mas'ud, ou Abu Abdurrahman, qui était sa kunya, j'ai vu une chose que je condamne. Il lui a répondu, qu'as-tu vu? Et Abu Musa radiallahu anhu lui a dit, tu vas voir, viens avec moi à la mosquée. Ils sont partis et ils ont trouvé des gens assis à la mosquée, réunis, et ils avaient à côté d'eux des monticules de pierres, des gros tas de pierres. Et parmi eux, l'un leur disait, dites Subhanallah tant et tant de fois. Et tous ensemble disaient Subhanallah le nombre que leur a dit cette personne en comptant à chaque fois avec une pierre. Il leur disait, Hallilu, dites La ilaha illallah tant et tant de fois. Dites Allahu Akbar tant et tant de fois. Et ils disaient Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah. En comptant à chaque fois le nombre précis qui leur a été indiqué grâce aux pierres. Et Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, s'est levé et leur a dit, soit vous êtes dans une voie qui qui est plus droite que la voie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien alors vous avez commis une énorme innovation. Ils ont dit: qu'avons-nous fait, ô Abu Abdurrahman? Nous nous rappelons Allah et nous ne voulons que le bien. Et Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a dit: et combien de personnes qui veulent le bien sans pour autant l'atteindre? Combien de personnes veulent le bien mais ne peuvent l'atteindre? Et il a condamné ces actes et ces gestes qu'ils ont faits, radiallahu anhu. Puis Cheikh Fawzan dit: at-tasbih, de dire subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, est quelque chose de recommandé pour le musulman, mais de ne pas le faire de cette manière, de ne pas le faire en se réunissant de la manière, et de ne pas le dire selon le nombre d'écrits, sauf s'il y a un dalil, sauf s'il y a une preuve. Et le fait de dire la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, ne peut être restreint que par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a enseigné de dire subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar 33 fois après chaque prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui nous a défini le moment et le nombre. Qui nous a dit de lire trois fois qul huwallahu ahad, trois fois qul a'udhu birabbil falaq, trois fois qul a'udhu birabbin nas après al-fajr et après al-maghrib? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit de le faire trois fois et pas dans toutes les prières, uniquement dans la prière de al-fajr et dans la prière de al-maghrib. Donc que ce soit les invocations ou que ce soit les rappels comme le tahlil, le tasbih, le takbir, etc., ne peut être restreint en temps, en lieu et en nombre que par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu a condamné la façon par laquelle ils se sont rappelés Allah azza wa jal alors qu'ils se rappelaient Allah où? Dans la mosquée. Et cela prouve que les innovateurs peuvent avoir effectivement une bonne intention. Ils peuvent avoir une bonne intention, et on peut même dire plus loin, certains peuvent être extrêmement sincères. De venir à la mosquée, de faire telle et telle chose, etc., de délaisser des obligations qu'il a, par exemple, il aurait pu faire autre chose, mais il fait cela sans compensation financière, etc., etc. Cela te prouve que, on ne va pas dire tous, car on n'a pas cette faculté de connaître qui est sincère ou pas, seul Allah Azza wa Jalla le sait, mais il y a des signes qui te permettent de reconnaître si une personne est sincère ou pas, surtout lorsqu'elle fait un acte sans intérêt, sans bénéfice mondain. Et Abdullah ibn Mas'ud n'a pas hésité à condamner leur fait ou leur acte dans la mosquée, car c'est cette façon de se rappeler Allah Azza wa Jal qui est une innovation. Il n'a pas condamné le tasbih en lui-même, mais la façon dont le tasbih, le tahlil, le takbir ont été faits. Et le rapporteur de ce hasar a dit: et j'ai vu ces personnes où beaucoup d'entre eux nous combattre le jour de Nahrawan. Beaucoup de ces personnes qui ont innové se sont retrouvées faire partie de l'Khawarij, de ceux qui rendent licite le sang des musulmans. Et ceux qui ont combattu à Ali radiallahu anhu, à Nahrawan, qui est une région en Irak, à proximité de Bagdad, dans laquelle Ali radiallahu anhu a combattu les Khawarij, Et Ali radiallahu anhu a, avant cela bien sûr, envoyé de multiples émissaires parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les raisonner, pour parler avec eux, pour leur montrer la vérité, et une vérité qu'ils ont toujours refusée, qu'ils n'ont jamais acceptée. Et Ali radiallahu anhu a répondu à leur attaque. Ce n'est pas lui qui les a attaqués en premier, mais ce sont eux qui se sont pris en premier à l'armée du gouverneur, et Ali radiallahu anhu a alors demandé qu'on les combatte et que ces Khawarij soient exterminés. Et le rapporteur du hadith a dit qu'il a vu ceux qui étaient de l'autre côté parmi les Khawarij, beaucoup de ceux qui se sont vus reprocher ce type d'adoration par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anh. Et Cheikh Fawzan dit que ceci est la destination de la bid'a, qu'Allah nous en préserve, et que l'innovateur pense se rapprocher d'Allah, mais comme je l'ai dit, il s'en éloigne, et cela peut le faire virer de l'autre côté de la rive. Wa naktafi bi hadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.